Les nappés, c'est des mecs qui rentrent dans la rue maintenant, qui racontent la vérité dans leurs chansons. Pour que certains mecs qui font les coques dans la rue, ben, qu'ils arrêtent de sentir pousser des couilles. Hey yo, j'ai grandi comme une paire classique, mais ça je l'ai déjà dit. Tragédie au quotidien, c'était ça notre vie. Vie censurée comme des rêves et des cigarettes. Mes voix tout s'arrête et la cité tue les rêves, le microphone résonne encore. S'il y avait pas eu le rap, on traînerait toujours devant mon bloc. Moi et mon groupe NAP, on chante le même air. Galère sur galère plus fort, on a su rester frères. Mais l'espoir reste un facteur principal, rester fort face au malheur. Parce que je viens des cartes et je veux que personne me plaigne. Nous on s'est battu des pétrés pour que notre message vous parvienne. On se disait les gars, un jour on sortira de là. Quand je déconnais par pitié, mon frère me prenait dans ses bras. Il avait l'habitude de nous faire rire. Mon frère, c'est vrai que les bons s'en vont en premier, c'était le meilleur. Ayant des mots, l'arrêt de la piste, pas. C'est le quartier, mais on les aime pour toujours. Donc on défend notre amour. J'suis trop tard. Quartier Aïssa, je suis un pur mec du Plessis, un vrai authentique Robinsonnet, je fais partie des meubles. Trop quartier, mon premier amour en sous-sol, à base de je t'aime et tous mes potes derrière aussi. Trop quartier, argent sale dans mes poches avant, grâce au shit, la beu, extra, buvard et tout. Trop quartier, les vols à l'étalage ou à l'arrache, le surveillant dans le chameau, il m'a jamais pécho. Trop quartier, Aïssa, mes hauts, je les connais grave. J'ai trop gueulé, craché, vomi dedans. Trop quartier, début de soirée, 8h, vive la tease. Une petite 16, Jeanlin, Nken ou Akir. Trop quartier, on a aimé des gens mais ils sont plus là. Amnas, Gérald, pour vous le paradis. Trop quartier, le moule des NAP, c'est le bitume. J'peux te jurer que nous y'a pas de mytho, on est prêts. Ayant des mots, l'arrêt de la piste partout. C'est les quartiers mais on les aime toujours. Donc on défend notre amour. J'suis trop quartier. Ayant des mots, l'arrêt de la piste partout. C'est les quartiers mais on les aime toujours. Donc on défend notre amour. Je vis encore comme vous, dans un quartier pourri. Là où les mecs parlent de respect, mais c'est rare ici. Pareil, là-bas qui tourne, les mecs insultent. On vit sous toi du malheur, mais heureux, on fait comme si je dis que les autres s'attendent à rien, moi si. Je suis pas comme je sais pas qui, le genre de mec qu'on dit. Inspiré, grand de la cité, le bien en plus. Autant je rêvais de série 3 quand je prenais le bus. On s'est battu contre les clichés, regarde ce qu'on est. Première page des magazines, reportage télé. Vois les mecs des quartiers réussissent, faut représenter. NAP, tout ce qu'on fait redonne l'espoir aux victimes. Mais on reste les mêmes, près des nôtres, le reste c'est de la frime. Et même si on galère toujours, au moins on a le sourire. Mais les keufs nous contrôlent toujours, c'est juste pour dire. Dire qu'il y en a qui disent jamais vous pourrez réussir. Ayant des mots, l'arrêt de la piste partout. C'est les quartiers mais on les aime pour toujours. Donc on défend notre amour. J'suis trop quartier. Trop Nike Air Max, mec. Trop de la rue, mec. Ayant des mots, l'arrêt de la piste partout. C'est les quartiers mais on les aime pour toujours. Donc on défend notre amour. J'suis trop quartier. Ayant des mots, l'arrêt de la piste partout. C'est les quartiers mais on les aime.